Bonjour à tous et toutes. Bienvenue pour cette deuxième édition des moments clés en ce mardi 25 mars, ici en ce lieu qu'on remercie de nous accueillir, la passerelle et la commune de Saint-Just-Saint-Rambert. Une journée départementale dédiée à la thématique de l'inclusion des enfants en situation de handicap dans les accueils de loisirs. Agir ensemble pour des accueils plus inclusifs, quelques clés de réussite, avait l'an dernier vocation à rassembler les acteurs, valoriser les pratiques et les initiatives, construire et imaginer ensemble des projets toujours plus inclusifs. Une nouvelle clé pour aller encore plus dans la réussite et l'action à l'occasion de cette seconde édition qui a pour thème cette année « Famille professionnelle, ensemble pour faciliter l'autodétermination en accueil de loisirs ». Alors j'avoue que moi-même ne connais pas ce qu'est l'autodétermination. J'ai pu aller chercher quelques infos ici et là, mais bien sûr c'est l'occasion tout au long de cette journée d'en comprendre davantage le concept, notamment à travers la question du lien aux familles. Comment adapter sa posture et la communication? Comment favoriser l'accueil, le recueil des besoins de l'enfant? Comment comprendre les interactions et les représentations qui se jouent dans la relation? En somme, comment favoriser ce principe d'autodétermination avec les familles? Un ensemble de questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec différents temps prévus, bien entendu, et qui vont ponctuer toute cette journée en projection, en atelier, en conférence, en dessin également, je tiens à le préciser, puisque tout au long de cette journée, Baptiste est ici présent et dessinera les propos, les participants, participantes, les idées, les humeurs, des dessins qui seront partagés au fil de cette journée et plus particulièrement au moment de la clôture. Alors on remercie bien sûr le pôle d'appui et de ressources, accueil et loisirs handicap 42 pour cette deuxième édition des moments clés. Un temps radio également pour cette journée, je tiens juste à le préciser, puisque Radio Audio, radio associative stéphanoise et partenaire de cette journée, assure également la captation et donc les enregistrements des temps forts de cette journée qui seront restitués ensuite sur antenne et mis en ligne sur notre site internet www.radioaudio.org. Merci encore à vous. On va commencer ce premier temps avec celui d'introduction de cette journée en présence des élus présents aujourd'hui. On va retrouver en premier lieu le maire de la commune, Olivier Joly, qui d'ailleurs est pressé par le temps et à qui je vais vite céder la parole pour à la fois nous accueillir aujourd'hui et introduire cette journée. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. On rentre dans l'habitude puisque, effectivement, le numéro 1 était l'année dernière. Et comme vous avez bien aimé, je pense, l'espace et qu'il est assez central pour tous ceux qui viennent aux quatre coins du département, on est très heureux de vous recevoir pour cette deuxième journée de travail et d'échange. Une grande fierté pour moi de vous recevoir tous aujourd'hui autour de ce sujet du handicap. Parce que vous le savez, l'histoire de la commune s'est bâtie autour de Jean-François Chaussier à une période qui a porté cette loi, voilà 20 ans, la loi du handicap. Et ça fait partie effectivement des gènes de la commune. Je crois d'ailleurs que Jean-François Chaussier vous a adressé un petit message qui passera tout à l'heure. Et puis malgré tout, 20 ans après cette loi, sur l'accessibilité, la prise en compte du handicap, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et puis la deuxième chose, en tant que maire de la commune, c'est que, il y a d'autres élus présents ici, c'est qu'on voit régulièrement, avec mon équipe, que ce soit les trois élus qui sont devant, qui sont à mes côtés au conseil municipal, on rencontre des parents qui souvent sont démunis. On n'est jamais préparé à avoir un enfant handicapé. Les parents ne sont pas préparés, mais parfois nos agents ne sont pas préparés non plus. Ah oui, parce que quand on ne connaît pas quelque chose, on a du mal à l'appréhender. Alors on a notre responsabilité en tant qu'élu, c'est d'adapter nos locaux. Première chose, dans la plupart des cas, c'est à peu près fait. Après, c'est d'adapter le matériel, le mobilier. Dans les cours d'école avec la cour idéale, mais également dans les cours des centres de loisirs, pour que effectivement le jeune handicapé ne se sente pas mis à l'écart des autres copains dans la cour. On a mis en place à Saint-Just-Saint-Rambert un PEDT avec de nombreuses actions plus concrètes les unes que les autres, à savoir que on a fait une charte des ATSEM avec des actions spécifiques sur la prise en compte du handicap. L'ATSEM également, souvent, n'est pas préparé à avoir un jeune en situation de handicap à accompagner. Et effectivement, si on le traite pendant le temps scolaire, pendant le temps périscolaire, il faut aussi rajouter la partie accueil collectif de mineurs, également pendant les vacances et effectivement dans l'extrascolaire. Donc merci à nos deux entités organisatrices aujourd'hui, à l'UFCV et les Franca, d'organiser encore une fois cette journée, qui pour moi doit être avant tout pratico-pratique, et puis montrer que tout le monde a sa place dès le plus jeune âge, parce que, encore une fois, c'est pas évident forcément et pour le jeune, pour sa famille, mais également pour les intervenants d'appréhender toujours ce thème. Et puis, l'autodétermination, vous disiez, le nouveau terme et tout ça, c'est le pouvoir d'agir. Écoutez, moi ce que je vous souhaite aujourd'hui, en tout cas, c'est de repartir avec ce pouvoir d'agir sur ce sujet-là. Bonne journée à tous. Merci. On va laisser aider la parole aux autres personnes élues présentes aujourd'hui. On va excuser Siam Labiche, vice-présidente de la 7e Métropole, qui n'est pas présente ce matin, mais qui nous rejoindra cet après-midi pour cette journée. Mais je vais laisser la parole ici à différents intervenants, intervenantes, en l'occurrence Isabelle Dumestre, Chantal Largeron, Nadège Rivoire sont avec nous pour en présenter à la fois les services de l'État, la CAF, bien entendu, et le député Pierrick Courbon en ce qui concerne Isabelle Dumestre. Je vous laisse les micros pour également votre temps de parole et lancement de cette journée. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ce matin, je vais être auprès de vous pour représenter le député Pierrick Courbon. C'est une problématique qui l'intéresse beaucoup. Alors, même si on n'est pas dans sa circonscription, puisqu'il est élu de Saint-Étienne et sa couronne, il souhaitait quand même pouvoir être représenté aujourd'hui. Lui-même ne peut pas être là, puisque le mardi, en tant que député, bien évidemment, il doit être à l'Assemblée nationale. Il a des gros dossiers à porter en ce moment. Mais il souhaitait quand même que je puisse être à vos côtés pour entendre ce que le produit de vos réflexions. Alors, je ne pourrai pas y être toute la journée, mais je sais qu'il y aura un compte-rendu qui nous sera remonté. Parce que, effectivement, on est dans une année qui est un petit peu charnière pour la question des droits en matière de handicap, puisqu'on fête les 20 ans de la loi de 2005. Ça a été évoqué par Olivier Joly. Et dans ce moment où on célèbre, où on commémore, vous avez de fait une plus grande attention des pouvoirs publics sur cette question. Là, et il faut en profiter, il ne faut pas laisser la fenêtre se refermer. Donc Pierrick Courbon, il participe, je ne serai pas très longue, mais on m'a demandé d'évoquer spécifiquement cette approche-là, il participe à un groupe de travail qui a été mis en place de manière transpartisane à l'Assemblée nationale. C'est suffisamment compliqué en ce moment à l'Assemblée, il y a suffisamment de divisions pour que quand il y a une démarche transpartisane, ça puisse être souligné. La question du handicap fait partie de ces sujets qu'on peut aborder de manière effectivement pas forcément apaisé, parce qu'il y a des vrais choix à faire, des choix lourds de conséquences, mais en tout cas qu'on peut aborder de manière transpartisane et donc, de fait, espérer les faire aboutir plus rapidement que d'autres sujets plus clivants. Et donc, ce groupe de travail, il est porté par des députés, deux députés spécialement, un député socialiste, Sébastien Saint-Pasteur, et un député Les Républicains, qui est député de la Loire, Antoine Vermorel, qui est député sur le Rouennais. Et Pierrick Courbon y participe. Donc ils sont en train de travailler pour proposer une proposition de loi. Donc quand c'est les députés qui font un texte de loi, c'est pas un projet de loi, c'est une proposition. C'est plus humble qu'un projet. Et donc ils essayent de faire une proposition de loi qui aura pour vocation de faciliter les démarches des personnes handicapées. Et puis aussi de lutter contre les injustices, parce qu'on le sait encore aujourd'hui, le handicap est la première source de discrimination. Même si la loi de 2005 a fait beaucoup avancer les esprits, ça sert à souvent ça, les lois, même si les moyens sont pas toujours au rendez-vous pour les rendre concrètes. En tout cas, elles font bouger quand même les approches et les représentations, mais pas encore assez en matière de handicap, et il y a encore beaucoup trop d'injustices et de complexité administrative, alors pas que pour les personnes en situation de handicap et leurs familles, malheureusement, mais c'est particulièrement lourd pour ces personnes-là. Donc il s'agit d'agir à la fois sur deux leviers principaux, la question du niveau de vie des personnes en situation de handicap, pour que les adultes qui ont droit à l'AAH, l'allocation pour adultes handicapés, ne vivent plus en dessous du niveau de pauvreté, parce qu'on a là une véritable injustice. Et puis une simplification des démarches aussi, pour que, notamment pour les enfants scolarisés, une fois que vous avez été reconnu en situation de handicap, généralement c'est irréversible, hein, la plupart du temps, c'est un peu même dans la définition, que vous ne soyez pas obligé d'attendre plusieurs mois pour un renouvellement au niveau d'une deuxième demande et qu'il y ait une sorte d'automaticité et que, en fait, si au bout de quelques mois, l'administration ne vous a pas répondu, on répute la réponse positive pour effectivement éviter d'avoir à faire des recours en plus de toutes les démarches que les familles doivent effectuer. Alors évidemment, cette proposition de loi n'aura pas une portée générale et donc il y a un travail qui est mené en parallèle par ces députés très, très motivés pour faire bouger les choses en matière de handicap. Ils interpellent le gouvernement pour que ça soit le gouvernement qui reprenne à son compte cette démarche et qu'il construise un projet de loi. Cette fois-ci, un projet de loi, c'est mieux parce qu'on peut y mettre des moyens, parce que les députés ne peuvent pas créer de dépenses, mais le gouvernement peut le faire. Donc il interpelle le gouvernement pour que le gouvernement porte un projet de loi maintenant, cette année, avant que cette fenêtre dont je parlais tout à l'heure se referme, avec des moyens, et puis en y associant non seulement les députés, les sénateurs qui sont déjà très motivés, très mobilisés sur ces questions-là, comme c'est en train de se faire à l'Assemblée, mais aussi un certain nombre d'acteurs. Et je pense que les travaux que vous portez aujourd'hui, il faudra nous les faire passer, pas simplement pour notre intérêt, mais pour qu'on puisse les faire remonter, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous imaginez, que vous rencontrez, que vous portez sur le terrain, qui sont peut-être pas forcément vus comme ça au niveau des ministères. Et ça sera vraiment très, très intéressant de pouvoir leur remonter par notre biais. Donc je vous souhaite des travaux très fructueux. Je ne serai pas là cet après-midi, mais je suis également présidente d'une amicale laïque. Et l'amicale laïque Chaplon sera représentée cet après-midi par Moussa Dramé, qui intervient sur une des tables de conférence. Donc voilà, je vais regarder ça de très près. Et je vous félicite déjà pour la démarche, l'UFCV, les Francards, de rendre ce moment possible. Merci Isabelle Dumestre. Peut-être pour poursuivre, Chantal Largeron, présidente de la Caisse d'allocation familiale. Je vais me mettre au pupitre simplement parce que voilà, je vais essayer d'être courte. Oui, on va en avoir besoin, on commence déjà avec un peu de retard. Voilà, mais du coup, ce qui est très intéressant sur cette journée, c'est de pouvoir vraiment échanger. Donc tout d'abord, je vais remercier les deux directeurs, Franca et USCV, et à travers eux, c'est l'ensemble des équipes professionnelles bénévoles de ces deux grandes fédérations. Et puis par ailleurs, bien sûr, le pôle handicap de la Loire, pour organiser cette deuxième édition. Oui, à notre avis, ce qu'il y a d'intéressant pour le coup, c'est qu'elle s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire que, cela a été déjà dit, 2005, première loi sur l'égalité des droits et des chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées, 2025, 20 ans après. Bien sûr, il y a des améliorations, et heureusement, mais force est de constater que la situation des personnes en situation de handicap, en termes d'accès aux droits, reste encore à améliorer. Du coup, cette journée qui permet des échanges, la réflexion qui est bien nécessaire pour pouvoir améliorer, innover, réfléchir sur nos représentations et postures. Et c'est ainsi que nous pouvons progresser et que nous devons progresser. 2024, pour 93 CAF, ont pu soutenir un pôle ressources. Et la cible pour la branche famille, c'est un déploiement total sur 100% des départements. Donc c'est cela qui est inscrit dans notre convention d'objectifs et de gestion jusqu'en 2027. Et c'est également un objectif de non-rupture du parcours du tout petit, comme ensuite de la prise en charge, par exemple, de la pause méridienne, puisque depuis la rentrée scolaire 2024, elle est effective. Et ça, c'est des éléments importants pour éviter les ruptures. Donc pour la Loire, depuis 2015, c'est dans le cadre du schéma départemental des services aux familles, il y a eu un fonds partenarial, et il y a toujours bien sûr un fonds partenarial, État, département, MSA et CAF, qui permet de faire fonctionner le pôle d'appui et de ressources accueil de loisirs handicap 42, qui assure une mission, ce pôle d'appui qui assure une mission d'accueil, d'information, d'orientation, accompagnée et d'appui en direction des familles et des professionnels ou des intervenants non professionnels. Et c'est là où c'est tout à fait légitime que la branche famille, qui est bien au cœur des besoins des familles, soit là pour être présente dans tout et le financement et l'ingénierie. Avec également une aide forfaitaire complémentaire que vous connaissez bien tous pour le coup maintenant, la prestation de service à LSH qui est versée par la CAF pour soutenir un accueil de qualité auprès des enfants porteurs de handicap qui sont dans les accueils de loisirs. Et également, on a sur les départements une déclinaison opérationnelle dans les objectifs des conventions territoriales globales, qui sont des conventions beaucoup plus à proximité des élus, des associations, des habitants, puisqu'il y en a 22, ça correspond globalement aux intercommunalités. Voilà, nous avons porté sur le département depuis au long cours un dispositif pour les tout petits porteurs également ou futurs porteurs qui ont commencé à être diagnostiqués comme étant certainement en situation de handicap et puis également pour les maladies chroniques, donc au sein des structures d'accueil toute petite enfance et puis également dans le cadre du répit parental. Ainsi, et le travail va se poursuivre dans le cadre du nouveau schéma départemental des services aux familles, nous œuvrons afin que chaque parent puisse identifier, trouver les ressources répondant aux besoins spécifiques de son enfant dans une logique de parcours du tout petit, dans une logique de parcours fluide. Alors, en parcourant le bilan 2024 du pôle ressources, je mesurais le chemin parcouru, les points forts des actions menées en termes de formation, de construction de réseaux, de mise en lien des professionnels et des familles. Et pour autant, nous devons continuer à œuvrer pour rendre encore plus accessibles, plus visibles ces lieux ressources pour des parents qui, plus que tous, ont besoin d'être orientés, écoutés. Et je tenais à le dire, ils savent beaucoup mieux que quiconque quels sont les besoins de leur enfant. C'est ça, les parents. Il faut qu'ils soient entendus parce que c'est avec eux qu'après on peut construire un parcours qui répond aux besoins. Et également, lorsqu'ils sont entendus, alors c'est de la sécurité qui leur est apportée. Et alors, les fameux freins qu'on dit, freins pour que l'enfant aille dans un accueil de loisirs, est-ce qu'il va être bien ou quoi? Eh ben, là, c'est un outil qui lève ces freins. Donc, bien sûr, la réflexion proposée sur l'autodétermination, comment être acteur dans la juste mesure de ses capacités. Bref, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions. Moi-même, je les ai découvertes et donc je vais essayer de rester toute la journée parce que c'est vraiment pour nous tous une ouverture. C'est pas une simple question, c'est un cadre proposé qui permet de réfléchir autrement et peut-être de nouvelles perspectives d'accompagnement, et de répondre le plus simplement, mais le plus efficacement possible aux besoins des familles et des enfants. Enfin, pour finir, je prendrai en compte cette phrase, je crois que je l'ai lue dans le bilan du pôle ressources, mais je suis plus sûre. « Ce qui est indispensable à 10% de la population est aussi utile pour 100% de la population. » Et là, je me suis dit, ben, bien sûr que le travail qui est mené pour ces enfants qui sont les plus fragiles, vulnérables, eh ben oui, ça sert aussi à tous les enfants dans le cadre des accueils de loisirs. Donc, bien merci. Merci. Dernière prise de parole avec Nadège Rivoire. Super, comme ça. Merci. Donc j'excuse déjà Monsieur Vergniaud, chef du service jeunesse et sport, qui a été appelé à des missions nationales aujourd'hui. Donc c'est moi qui représente l'État, comme l'a dit Cyril. Voilà, en sachant que moi je suis conseillère d'éducation populaire et de jeunesse, donc je vais pas redire, même si c'est un peu le jeu quand on prépare. Donc moi aussi j'avais envie de parler des 20 ans de la loi de 2005. Le pôle ressources, bah déjà, je dirais de mon point de vue, de la sphère des accueils collectifs de mineurs, d'une personne qui est censée accompagner les accueils collectifs de mineurs du département et qui est en charge de veiller à la qualité éducative de ces accueils. Je trouve que le pôle ressources, il porte assez bien son nom et je voudrais remercier et visibiliser le travail de Laurie, Sandrine et Marielle parce qu'il faut savoir que quand on est agent de l'État, bah, on ne sait pas tout. Et le pôle ressources, bah, c'est une ressource pour les accueils collectif de mineurs, mais c'est aussi une ressource pour nous. Très souvent, moi, quand je ne sais pas comment ça fonctionne, quand j'ai du mal à me situer dans la sphère du monde du handicap, parce qu'il y a aussi beaucoup de sigles, beaucoup de monde, ben voilà, c'est une vraie ressource et je voudrais saluer leur travail. Et donc, la journée de l'année dernière, effectivement, était passionnante. Donc, c'est avec une petite joie qu'on vient à celle-ci. Et donc, je vois que ça parlait d'autodétermination. Et comme d'autres intervenants avant moi, bah, j'ai eu besoin d'aller voir, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement l'autodétermination ? Et j'ai compris qu'aujourd'hui, entre autres, en tout cas c'est ce que j'imagine pour le moment, c'est mon horizon d'attente, on va pas mal parler de choix. Alors pas le choix, de ce que j'en ai compris, dans un supermarché entre deux produits, mais un choix éclairé qui demande qu'on soit accompagné. Accompagné pour se connaître soi, ses forces, ses limites. On parle beaucoup aujourd'hui dans des arrêtés interministériels de compétences psychosociales. Voilà, donc ça m'a fait écho aussi à ça. Et puis, surtout, accompagner pour connaître son environnement. Et son environnement, c'est pour moi aussi les autres. Comprendre le collectif dans lequel on est et le collectif dans lequel on va pouvoir agir. Et trouver sa place dans ce collectif. Finalement, permettre à la situation, à la personne, même en situation de vulnérabilité, de prendre la mesure de ses possibilités, à la fois individuelles et à la fois collectives. Je tiens aussi à souligner cette importance du collectif. Et permettre à chacun ou à chacune de s'inscrire dans la société pour développer son pouvoir d'agir. Je me suis dit, mais finalement, l'autodétermination, est-ce que ça ne résonne pas très fort avec l'éducation populaire ? Et si ma mission, c'est de soutenir la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs, je sens qu'encore une fois, la problématique ou le champ de réflexion que pose le pôle ressources aujourd'hui, cette façon d'envisager comment bien accueillir ou mieux accueillir les enfants et les jeunes en situation de handicap, je pense qu'il n'y a pas de doute que cette réflexion, quand elle irrigue une équipe d'un accueil, cette réflexion, finalement, elle va bénéficier à l'ensemble des pratiques pédagogiques et, in fine, à tous les enfants. Et pour ça, merci beaucoup de nous permettre cette réflexion.